plan à remer, qui commence depuis moi au top de tes pieds. C'est fait qui gagne en pile en bias, c'est fait que des niveaux que des araignées. C'est fait qui gagne en pile en bias, c'est fait que des niveaux que des araignées. Derrière la croix, c'est la plaque du Réas. Bon national la coucou mi poisson Antoine. Corridor c'est coup de poing y'a tombé. Chaque soir c'est là pour rencontrer gratteur.